poignard, ils s'entonneraient quand j'ai les poches colorées. Les petits sont dans les rois, en livrette près de l'Eiffel Tower. Je te vois en bizarre, tu tends la main ou un couteau. Et quand y'a du joueur, tout d'un coup, poteau devient un couteau. Je suis un redneck, regarde pas plus, je te crache dessus. J'essaye d'être bien, mais y'a le mal qui prend le dessus. Je suis avec mes roues, contre un moral, je pisse dessus. Polémique à la télé, le président connaît pas le flic. Je me sens pas bien, je crois que je vais en allumer un. Moi je me sens bien que quand je suis avec toi. Je me sens pas bien, je crois que je vais en allumer un. Moi je me sens bien que quand je suis avec toi. Amène la jack dada, je vais faire sortir madame. C'est perdu dans Pana, c'est perdu dans Pana. Je l'attrape par la table. C'est perdu dans Paname, c'est perdu dans Paname. J'attrape par la taille, rêve du paradise. C'est perdu dans Paname, c'est perdu dans Paname. J'suis soumis à sa mère, quelques gouttes sur ma paire. J'suis peigné, j'en mets dans mon verre, j'en mettrai encore. J'oublie, j'la trouve mignonne, j'ai mangé la migraine. Bébé s'te plaît, crois-moi, j'ai été malade. J'suis dans mon monde et j'calcule personne. J'suis coupé du monde sur message, les quand téléphone sonne. J'achète un pétard et j'entends ces petits doigts qui résonnent. Allumé, façon t'as rien à perdre. J'me sens pas bien, j'crois que j'vais en allumer un. Moi j'me sens bien que quand j'suis avec toi. J'me sens pas bien, j'crois que j'vais en allumer un. Moi je me sens bien que quand je suis avec toi.